Arrivent ensuite les cadets de Gascogne, dont le fameux Christian, qui, sans le vouloir, remplace le mot « né » en coupant Cyrano dans certaines de ses expressions. Les autres cadets s'esquivent, craignant pour Christian, qui reste seul avec Cyrano. « Cyrano, embrasse-moi. »« Monsieur, brave. »« Ah ça, mais très brave, je préfère. »« Me direz-vous ?»« Embrasse-moi. Je suis son frère. » « De qui ?»« Mais d'elle. »« Hein ? Mais de Roxane. »« Ciel, vous, son frère. » »« Ou tout comme, un cousin fraternel. »« Elle vous a tout dit. »« M'aime-t-elle ? » »« Peut-être. »« Comme je suis heureux, monsieur, de vous connaître. » »« Voilà ce qui s'appelle un sentiment soudain. »« Pardonnez-moi. » Cyrano le regardant et lui mettant la main sur l'épaule. « C'est vrai qu'il est beau, le gredin. Si vous saviez, monsieur, comment je vous admire. Mais tous ces nez que vous m'avez, je les retire. Roxane attend ce soir une lettre. Hélas, quoi ? C'est me perdre que de cesser de rester quoi ? Comment ? Là, je suis sot à me tuer de honte. Mais non, tu ne l'es pas, puisque tu t'en rends compte. D'ailleurs, tu ne m'as pas attaqué comme un sot. Bah ! On trouve des mots quand on monte à l'assaut. Oui, j'ai certain esprit facile et militaire, mais je ne sais devant les femmes que me taire. Oh, leurs yeux, quand je passe, ont pour moi des bontés. Leurs cœurs, n'en ont-ils plus quand vous vous arrêtez ? Non, car je suis de ceux, je le sais et je tremble, qui ne savent parler d'amour. Tiens, il me semble que si l'on eût pris soin de me mieux modeler, j'aurais été de ceux qui savent en parler. Oh, pouvoir exprimer les choses avec grâce. Être un joli petit mousquetaire qui passe. Roxane est précieuse, et sûrement je vais désillusionner Roxane. Si j'avais, pour exprimer mon âme, un pareil interprète, il me faudrait de l'éloquence. Je t'en prête. Toi, du charme physique et vainqueur, prête-moi, et faisons, à nous deux, un héros de roman. « Quoi ? Te sentirais-tu de répéter les choses que chaque jour je t'apprendrai ? Tu me proposes ? Roxane n'aura pas de désillusion. Dis, veux-tu qu'à nous deux, nous la séduisions ? Veux-tu sentir passer de mon pourpoint de buffle dans ton pourpoint brodé l'âme que je t'insuffle ? Mais, Cyrano, Christian, veux-tu ? Tu me fais peur. Puisque tu crains, tout seul, de refroidir son cœur. Veux-tu que nous fassions ? Et bientôt, tu l'embrases. Collaborer un peu, tes lèvres et mes phrases. Tes yeux brillent. Veux-tu ? Quoi ? Cela te ferait tant de plaisir ? Cela m'amuserait. C'est une expérience à tenter un poète. Veux-tu me compléter et que je te complète ? Tu marcheras. J'irai dans l'ombre à ton côté. Je serai ton esprit. Tu seras ma beauté. Mais la lettre qu'il faut, ou plutôt lui remettre, je ne pourrai jamais. » Cyrano, sortant de son pourpoint, la lettre qu'il a écrite Chiragono. « Tiens, la voilà, ta lettre. »« Comment ? Hormis l'adresse, il n'y manque plus rien. »« Tu peux l'envoyer, sois tranquille, elle est bien. »« Nous avons toujours, nous, dans nos poches, des épîtres à des chloris, de nos caboches. » Car nous sommes ceux-là qui pour amante n'ont que du rêve soufflé dans la bulle d'un nom. Prends, et tu changeras en vérité ces feintes. Je lançais au hasard ces aveux et ces plaintes. Tu verras se poser tous ces oiseaux errants. Tu verras que je fus dans cette lettre. Prends, d'autant plus éloquent que j'étais moins sincère. Prends donc, et finissons. N'est-il pas nécessaire de changer quelques mots, écrits en divagant, ira-t-elle à Roxane ? Elle ira comme un gant. Mais la crédulité de l'amour-propre est telle que Roxane croira que c'est écrit pour elle. Ah, mon ami ! Il se jette dans les bras de Cyrano, ils restent embrassés.